C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie quoi, la vie comme elle va. Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Amis, ravie de vous retrouver pour la dernière émission de l'année. Et oui, déjà, donc une émission avec nos fidèles intervenants. Tout d'abord, Eliane. Salut Eliane. Bonjour tout le monde. Et puis, ben, nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Salut. Bonjour, bonjour. Alors, on va dire Jean-Pierre et JP. Voilà, moi je suis JP. Voilà, d'accord. Voilà, on va s'y JP, retrouver. Et puis JP, ça fait bien DJ. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça, oui. DJ, JP, oui. Donc, JP, c'est donc l'homme des manettes. Des manettes, voilà. Des boutons de la programmation musicale. Oui, alors, dernière émission de l'année. Et autre catastrophe. Dernière émission de l'année, mais on reviendra l'année prochaine. Et puis, cette journée du 18 décembre, c'est une journée un peu particulière parce que c'est la journée internationale des migrants. Vous le savez, Eliane ? Pas du tout. Eh bien non, eh bien, je te l'apprends. Je te l'apprends. Et cette journée, elle a été décrétée par l'ONU en 2001, le 4 décembre 2001. Pourquoi cette date a été choisie ? Eh bien parce qu'elle commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Et cette convention, elle a été signée le 18 décembre 1990. Et l'objectif de cette journée, c'est de combattre les préjugés sur les personnes migrantes et réfugiées. Et c'est aussi de sensibiliser l'opinion publique à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux, tant au profit de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Et donc c'est une journée pour laquelle l'ONU encourage tous les États membres des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, à fournir au public des informations sur les droits de l'homme et sur les libertés fondamentales des migrants. Et puis peut-être aussi à partager les expériences et entreprendre des actions pour assurer la protection des migrants. Voilà, donc c'est une belle occasion de rappeler que les migrants ne sont pas forcément un problème, mais que parfois ils sont la solution pour certains pays. Ceci étant dit, nous allons vous proposer aujourd'hui un coup de cœur. Ce sera celui de Jean-Pierre, La blessure et la soif. Ensuite, le livre du jour. Eh bien, moi, je vous emmènerai à un soir de fête. Et puis, pour le plaisir, nous aurons trois poèmes, enfin, une fable de Jean de La Fontaine, un poème d'Émile Verhaeren et, chose beaucoup plus rare, un poème de Guy de Maupassant, qui n'a pas écrit que des livres et des nouvelles. Et nous terminerons, comme d'habitude, par un côté un peu sanglant et polar, fin de règne à Bourdelieu-les-Eaux, qui sera présenté par Eliane. Et puis en fin d'émission, quelques propositions de sortie. Mais comme moi je suis impatiente de découvrir le coup de cœur de Jean-Pierre, je lui passe la parole. Demi-coup de cœur. Demi. Ah. Oh. Pourtant, je me suis laissé dire que c'était conséquent comme. C'est un gros demi-coup de cœur. C'est un gros livre. Le livre est gros, le coup de cœur moins. Parce que c'est un étrange bouquin. Ah. Oui. Très gros, hein, plus de 500 pages. Bah, ce qui m'a attiré, ça se passe au XVIIe siècle, voyez-vous. L'histoire dans le livre, avec un grand H, l'amour, avec un grand A, la recherche de l'absolu, aussi et surtout l'absolu. Une dimension géographique impressionnante, puisqu'on va de France en Chine, voyez-vous. Et le mot qui revient le plus dans le texte, c'est « chaos ». C-H-A-O-S. Et effectivement, le chaos se conjugue à tous les temps, à tous les modes dans ce livre. Le style se veut ancien, précieux, qui veut sans doute rappeler les belles manières de la cour. Mais si les belles lettres, si à Madame de Sévigné, pour nous, comme un lecteur roturier, ça ne nous facilite pas toujours les choses. Oui, mais c'est agréable, un langage un peu désuet. Oui. Un peu précis. Oui, oui, oui, bien sûr, mais faut s'accrocher des fois. Alors, en 1643, vous vous rappelez, un enfant devient roi. Il a 5 ans. La Fronde oppose les grands du royaume à l'autorité centrale, assumée par Mazarin et Anne d'Autriche, la régente, parce que les Bourbons instaurent depuis quelques décennies une monarchie absolue. Et de Gaston d'Orléans, le frère de feu Louis XIII, préféré de sa maman et tonton du nouveau roi, c'est pour vous situer un peu, je dis tout ça, à la grande mademoiselle, la cousine du petit, ça complote, ça trahit, ça retourne son pourpoint. Les Condés, les Turennes jouent carrément leurs cartes personnelles, changent de camp au gré de leurs ambitions. Le peuple a froid, il a faim, la mort est partout. On périt plus d'épuisement qu'au fil de l'épée. Ah, elle est belle, la France. Dans ce chaos, dans lequel plus un rat n'ose sortir, s'il en reste un à manger, un homme, monsieur de la Tour, de modeste noblesse et d'aisance financière mesurée, va faire la rencontre de sa vie en la personne de Madame de Clermont. Madame de Clermont, comme il se doit, et l'épouse de Monsieur de Clermont. De richissime haute noblesse, bien introduit dans les sphères du pouvoir, et à la maison de laquelle appartient Monsieur de la Tour. Et la belle et jeune Madame de Clermont rend bientôt ce sentiment au centuple, son sentiment au centuple à l'impertinent. J'ai alors pensé à Julien Sorel avec Madame de Rênal, qui ne tarderait pas à péter un câble. Après une petite centaine de pages à tergiverser à l'imparfait du subjonctif, que j'adore d'ailleurs, l'apothéose se produit, j'ose dire, enfin. Ah, une couche, nuit, Madame de Clermont rejoint Monsieur de la Tour, sous la couette, sur la couette et sans la couette. Au point que les chauves-souris en parlent encore, et cela se reproduira. Ah oui, ils ont bien aimé, alors ils recommencent. Jusqu'au jour où Monsieur de Clermont les surprend, fait celui qui n'a rien vu. Alors qu'ils étaient sous la couette, là. Peut-être. Exige de Madame une expression immédiate du devoir conjugal, pendant que l'amant se les gèle derrière la tenture. Il me semble bien qu'Henri III de Navarre, futur Henri IV, fit la même chose avec son épouse Marguerite de Valois, mais avec plus de classe, l'amant était sous le lit. Ah, quand même. Monsieur de la Tour décide de fuir l'amour de sa vie. Il décide, c'est vite dit, la souffrance d'un amour impossible et coupable impose cette fuite. Et Madame de Clermont, elle, est prête à se passer de son époux, de son rang, de ses enfants, de sa fortune, pour suivre son amant. L'amant lui a des convenances, sa religion, sa recherche de Dieu, les liens du mariage qui entravent sa belle, chahutent son esprit. Il s'en va donc au plus loin qu'il peut, en Chine, chercher le repos pour son esprit. À l'époque, Thomas Cook n'avait pas encore inventé les croisières tout compris. Le voyage est long de plusieurs mois, meurtrier par les tempêtes, les maladies, la faim, la soif, la dysenterie, j'en passe. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage, tu parles, Charles. Monsieur de la Tour arrive au terme de l'expédition en échouant sur une plage où un dénommé Lou Hui, en chinois, alors le, je parle très mal le chinois, le recueillera, le soignera. Lou Hui vit en ermite après la perte de la femme de sa vie, lui également, à la différence près que la femme de sa vie, c'était son épouse. Louis Vie va raconter à Monsieur de la Tour, au cours de leurs 13 années de vie retirée du monde, eh ben, les horreurs de la fin de la dynastie Ming, quand les Mandchous envahirent la Chine. Les derniers empereurs Ming sont mégalos, voire tarés, et leurs remplaçants sont tels qu'on arrive à comprendre pourquoi Mao a réussi à faire des adeptes. L'horreur décrite là-bas, c'est la fronde à la dimension chinoise. En Chine, rien n'est petit. Un jour, Monsieur de la Tour revient en France. Pourquoi je vous présente ce livre, vous êtes peut-être demandé. Pas pour le scénario, parce que Monsieur de la Tour s'en sort toujours, c'est mieux que MacGyver, mais j'ai aimé plusieurs choses. J'ai aimé la description de la fronde, qui, tout en étant précise historiquement, dépeint la détresse humaine qu'elle engendre. J'ai apprécié également cette leçon d'histoire chinoise, malgré la difficulté avec les noms. Si de nos jours le Pékin ordinaire est l'Yorto de la Chine, excusez, c'est facile. C'est mais facile. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Imaginez au XVIIe siècle. Eh bien, tout là-bas, les hommes souffrent des mêmes maux physiques et sentimentaux. Étonnant, non ? On est tous pareils, finalement. Dans ce bouquin, des êtres sont en recherche d'un amour divin. Les horreurs qu'ils vivent au quotidien peuvent expliquer ce besoin intense. Ils ne survivent que parce qu'ils attendent autre chose que l'enfer sur terre. Monsieur de la Tour, qui ne souffre pas matériellement, est déchiré entre l'amour fou pour cette femme et une recherche mystique permanente, au point que les deux se superposent. Est-ce que l'amour est perdu sur terre doit s'identifier à l'amour divin ? Est-ce que l'amour sur terre est une expression de l'amour divin ? Ou au contraire, l'amour sur terre est-il un frein à la recherche de l'amour divin ? Je vous laisse disserter, ne vous demanderai jamais le résultat de votre réflexion, chacun a sa réponse, et il est loin d'être sûr que ce soit la bonne. Merci, mon père. Même. Allez, lis-nous un extrait que l'on puisse juger de, du subjonctif, niveau de, avec le subjonctif, non, t'en as du pas. Niveau de langue. Un petit extrait. Bon, je choisis un passage pas très compliqué quand même, hein, parce que... Tu as peur qu'on ne comprenne pas. Oui, j'ai peur un peu. Madame de Clermont a quitté Paris. Elle passe l'été auprès de ses fils sous le regard de son époux. Monsieur de Clermont ne l'approche pas. Il a vu son sursaut de déplaisir le premier soir. Il l'attribue à la crainte d'être grosse ou à un scrupule de conscience. Il sent que Madame de Clermont lui échappe. Il tente de l'ignorer. Il attribue son éloignement à des difficultés de son esprit. Refusant la plupart des visites, elle passe en effet de deux jours l'un dans un monastère voisin dont une parente de Monsieur de Clermont est l'abbesse. Monsieur de Clermont fait épier la jeune femme. Il sait que son sommeil est coupé de plaintes. Il observe qu'elle se tient la plupart du temps dans une pièce basse où ne pénètre pas beaucoup de jour, qu'elle dédaigne de faire remeubler comme il le suggère plusieurs fois, et qu'elle laisse les enfants à leur maître sans plus chercher ce qu'ils ont appris qu'avec une espèce d'ennui. Elle étreint parfois un des petits garçons, son visage est triste, elle ne respire plus les boucles de leurs cheveux et elle ne voit pas la couleur de leur pourpoint. C'est un récit qui n'est pas très gai et qui n'est pas très rapide. Voilà. C'est néanmoins un livre qui mérite qu'on rentre dedans. Qu'on prenne le temps de le lire. Et qu'on prenne le temps de le lire. Et comme tu disais, ça se lit à un rythme lent, lent pour bien oui. se laisser pénétrer voilà. de cette histoire et de ce style. La blessure... Il t'a fallu combien de jours ? Oh, je suis resté une quinzaine de jours là-dessus. Oui. Hein. Oui, jour et nuit ? Non. J'ai entrecoupé sous la couette, sur la couette, sans la couette. La blessure et la soif de Laurence Plasnet, recommandée par Jean-Pierre. La vie, comme elle va. Ça sert à quoi tout ça ? ce beau jardin si te va pas. Pour qui, pourquoi toutes ces fleurs autour de toi, là, là. Ça sert à quoi, dis-moi. Si t'as le monde rien que pour toi, ça sert à quoi si ça ne sert à rien, ce que l'on a. Tomber sous la flotte comme une feuille morte, sans toi, sans papier. J'entends déjà des bottes me claquer la porte, me dire du balai. Il faut que tout soit intact, ni bouquin ni tract ne doivent circuler. Si je passe à l'orange, ils vont m'arrêter. Ça sert à quoi tout ça? Ce beau jardin, si tu ne le vois pas, pour qui, pourquoi toutes ces fleurs autour de toi? Ça sert à quoi? Dis-moi, si t'as le monde rien que pour toi, ça sert à quoi si ça ne sert à rien, ce que l'on a. Je n'ai plus de place poussée par la haine, déracinée. Avant qu'on me chasse, qu'on me jette dans la Seine, je cherche un guet. Au fond d'une impasse, par manque d'oxygène, comme un noyé. Pour l'éternité. Ça sert à quoi tout ça? Ce beau jardin, si tu ne le vois pas, pour qui, pourquoi toutes ces fleurs autour de toi, là, là. Ça sert à quoi, dis-moi? Si t'as le monde, rien que pour toi, ça sert à quoi si ça ne sert à rien, ce que l'on a. Je suis né français, enfin étranger d'origine. J'ai un beau jardin, me soucie de rien. Je fais ma petite cuisine. Mais quand on pense à rien, la morsure du chien devient assassine. Attention, il a mordu déjà. Mordra-t-il encore une fois? Ça sert à quoi tout ça? Ce beau jardin, si tu ne le vois pas, pour qui, pourquoi toutes ces fleurs autour de toi, là, là. Ça sert à quoi dis-moi, si t'as le monde rien que pour toi, ça sert à quoi si ça ne sert à rien, ce que l'on a. Ça sert à quoi tout ça, ce beau jardin, si tu ne le vois pas, pour qui, pourquoi. Autour de toi, ça sert à quoi, dis-moi. Si t'as le monde rien que pour toi, ça sert à quoi si ça ne sert à rien, ce que l'on a. Ça sert à quoi tout ça, ce beau jardin si tu ne le vois pas. Pour qui, pourquoi toutes ces fleurs autour de toi. Et sa force de tenir les manches rondes de la charrue, est-ce l'habitude de marcher face au vent? Dans ce pays, à l'orée de la Beauce, les hommes avancent tous un peu courbés. Même quand ils se promènent, mains nouées dans le dos, la tête vient se réfugier dans les épaules. Le samedi 7 avril 1923, le vieux Narcisse prend la direction du bourg de Sougy avec deux de ses gendres, Léon et Georges. Tous les villageois qu'il croise commentent l'orage de la veille, le deuxième en 6 jours. De la vie générale, cela présage de bonnes moissons. Quand il donne en avril, le pauvre se réjouit, dit le dicton. Avec ses gendres pour témoins, Narcisse se présente à la mairie. Il déclare la naissance chez lui, le matin même, d'un enfant de sexe masculin. Il n'est pas très gros, il a quelques semaines d'avance, mais la sage-femme s'est montrée optimiste. Étienne, puisque tel est le prénom qu'on lui a donné, est le fils d'Olga, sa fille cadette, et le père, inconnu. Le maire, Germain Échard, a posé la question pour la forme. La rumeur était parvenue jusqu'à lui. Bon an, mal an, ce sont des choses qui arrivent, relativise-t-il peut-être en enregistrant la déclaration. Une domestique engrossée par un fermier ou un maître charretier, c'est quelque chose qu'on a toujours vu. Et si tout le monde convient que c'est bien malheureux, c'est d'abord parce que la fille risque de perdre sa place et que ses parents vont devoir se débrouiller avec un salaire en moins. Et s'ils la gardent chez eux, deux bouches à nourrir en plus. Ici, les horizons sont sans relief, pas une forêt en vue. Un ciel immense sur un champ infini. Le 21 mai, un air glacial fouette la plaine. Ce jour-là, Eugène, un cultivateur domicilié au hameau des Bordes, franchit à son tour le seuil de l'hôtel de ville. En compagnie de son fils aîné et de l'instituteur du village, il fait inscrire sur les registres son petit-fils Jean, fils de sa fille Alice et de père inconnu, né chez lui la veille à 15h30. Deux bâtards en deux mois, c'est exceptionnel. Mais tel que je l'imagine, le maire, tempéré par 7 décennies d'existence, s'abstient de tout commentaire. Le 29 juillet, sous une cascade de lierre caressée par le drapeau tricolore, c'est une jeune femme de 20 ans qui pousse la porte entrouverte. Il lui faut des témoins. Le garde champêtre se propose et apostrophe un voisin. Marie déclare la naissance à Paris, le 24 mai, d'une enfant prénommée Paulette. Et le père ? Il n'y en a pas. Que voulez-vous que le maire dise ? Peut-être la félicite-t-il, avec 2 mois de retard, d'avoir enfin régularisé les choses. Puis, lissant sa barbe blanche, il repense à la dernière Saint-Laurent. Au village, on s'en souviendra longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ce dimanche 27 août 1922 pour que, 9 mois après, il y ait déclaration de naissance avec un père inconnu? Alors, il y a eu 3 naissances, mais il y a eu 4 grossesses. Une des jeunes filles a perdu l'enfant. Mais peut-être y a-t-il eu d'autres jeunes femmes qui, ce soir-là, ont connu un soir de fête difficile, mais qui, simplement, ne sont pas tombées enceintes. Donc, l'auteur, Mathieu Deslandes, va essayer de comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. C'était fête au village. On avait dressé le dancing et en effet, toute la jeunesse des villages alentours s'était donné rendez-vous pour le bal. Et donc, Mathieu Deslandes se sent vraiment concerné par le sujet parce que le jour de l'enterrement de sa grand-mère, eh bien, il a appris que son père était né de père inconnu. Et donc que sa grand-mère était l'une des jeunes filles, enfin des jeunes filles, oui, des jeunes femmes qui s'étaient retrouvées enceintes à la suite de cette fête. Et donc il va commencer ses recherches. Et il est aidé en cela par sa compagne, Zinaïde Draïev, qui, elle, est en train de faire un documentaire sur le consentement. On est en pleine affaire Weinstein, on est en pleine affaire, enfin, MeToo, et les femmes commencent à parler de ce qui a pu leur arriver, que jusqu'à présent, on avait plutôt tendance à taire. Et donc, la concomitance de ces deux périodes bien différentes, celle de 1922, où on ne parlait pas de ces choses-là, et puis de 2019, où au contraire on met sur la place publique des choses que l'on a tues pendant des années, incite à se poser la question sur, en effet, le consentement. Est-ce que ces jeunes filles qui sont allées au bal le soir du 27 août 1922 et qui se sont retrouvées enceintes étaient consentantes? Donc il va explorer, il va essayer de comprendre. Alors qui étaient les jeunes hommes? Oh, ils s'en sont pas cachés, ils s'en sont même vantés. Alors évidemment, les jeunes filles, elles, ont préféré ne pas trop se vanter de ce qui s'était passé ce soir-là. Et puis il y a un moment où il faut bien mettre un mot sur la réalité des choses et que très certainement ces jeunes femmes n'étaient pas consentantes ou ne pensaient pas aller aussi loin. Et donc c'est toute une un pan de l'histoire des femmes qui est exploré, comment on vivait il y a un siècle. Finalement, comme dit le maire hein, dans cet extrait qui constitue le début du livre, bon, ça c'était admis, quoi, ça arrivait, voilà, c'était comme ça, on disait rien, on savait comment ça se passait. Et puis, un siècle plus tard, où en effet, on décide que ce n'est pas normal, que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Et alors, ce qui est terrible, c'est que la compagne de l'auteur, Zineb Draïef, en parlant de l'histoire de cette grand-mère avec ses amis, se voit renvoyée. Mais attends, et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé il y a 20 ans? Et elle, non seulement elle avait fait silence, mais elle l'avait oublié. Elle avait tout fait pour oublier ce qui lui était arrivé 20 ans auparavant. Alors évidemment, en plus, ça se passe près de chez nous, donc on est d'autant plus intéressé, enfin ça nous touche aussi grandement. Et vraiment, ce soir de fête, tout le monde n'y était pas à la fête. Et vraiment, je vous invite à découvrir ce roman qui, oui, c'est un roman, mais en même temps, ça revient sur des événements qui ont vraiment eu lieu. C'est une reconstitution de toute une époque avec le mode de vie qui va bien avec. Et enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ça s'appelle « Soir de fête » et donc c'est écrit conjointement par Mathieu Deslandes et Zineb Draïef. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Je suis un arbre de Noël, venez, petits enfants, venez. Ma tête monte jusqu'au ciel, quelquefois je peux le toucher. Quand le ciel est bas, qu'il fait triste et que vos rires sont voilés, que les grands sont trop égoïstes, venez, petits enfants, venez. Je suis un arbre de Noël, venez, petits enfants, venez. Je suis couronné d'arc-en-ciel, de guirlandes et d'anges dorés. Quand les guignols vous épouvantent et que vos jouets sont cassés par des carabosses méchantes, venez, petits enfants, venez. Faites la ronde autour de moi, faites la ronde. J'entends vos cœurs, j'entends vos voix qui me répondent. Sachez que mon vieil autrefois jamais ne gronde. Qu'on entendra vos cris de joie au bout du monde. Enfants de nos prières, enfants tout frais d'hier, enfants que la lumière voit. Je suis un arbre de Noël, venez, petits enfants, venez. L'espoir vous fait la courte échelle jusqu'à l'étoile du berger. Lorsque vous glissez sur la neige, sachez qu'au milieu des dangers, il y a un arbre qui vous protège. Venez, petits enfants, venez. Faites la ronde autour de moi, faites la ronde. J'entends vos cœurs, j'entends vos voix qui me répondent. Sachez que mon vieil autrefois jamais ne gronde. Qu'on entendra vos cris de joie au bout du monde. Enfants de nos prières, enfants tout frais d'hier, enfants que la lumière voit. Faites la ronde autour de moi, faites la ronde. J'entends vos cœurs, j'entends vos voix qui me répondent. Sachez que mon vieil autrefois jamais ne gronde, qu'on entendra vos cris de joie au bout du monde. Enfant de la prière, enfant de frère, enfant que la lumière envoie. Faites la ronde autour de moi. Enfant tout frais d'hier, enfant que la lumière voit. Je suis un arbre de Noël, je suis un arbre de Noël. La vie comme elle va. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Notre plaisir, nous avons sélectionné trois écrits. Alors le premier, c'est une fable de La Fontaine, La mort et le bûcheron. Et puis ensuite, il y aura un poème d'Émile Verhaeren, Vous m'avez dit tel soir. Et pour finir, donc, voici mon compliment de Guy de Maupassant. La mort et le bûcheron. Un malheureux appelé tous les jours la mort à son secours. Ô mort, lui disait-il, que tu me sembles belle. Viens vite, viens finir ma fortune cruelle. La mort crut en venant l'obliger, en effet. Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre. Que vois-je ? Cria-t-il. Ôtez-moi cet objet, qu'il est hideux, que sa rencontre me cause d'horreur et d'effroi. N'approche pas, ô mort, retire-toi. Mécénas fut un galant homme. Il a dit quelque part « Qu'on me rende impotent, cul de jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme, je vive, c'est assez, je suis plus que content. Ne viens jamais, ô mort, on t'en dit tout autant. » Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le faîte du fagot, aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants. Et tâchait de gagner sa chemine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleurs, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. « C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère. » Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Nous sommes bien d'accord. Finalement, les choses ne changent pas à travers le temps, hein, toujours la même chose. Eliane, toi, tu as choisi donc de nous présenter un poème d'Émile Verhaeren, issu des heures d'après-midi. Vous m'avez dit tel soir. Vous m'avez dit tel soir des paroles si belles que sans doute les fleurs qui se penchaient vers nous soudain nous ont aimés et que l'une d'entre elles, pour nous toucher tous deux, tomba sur nos genoux. Vous me parliez des temps prochains où nos années, comme des fruits trop mûrs, se laisseraient cueillir. Comment éclaterait le glas des destinées? Comment on s'aimerait en se sentant vieillir? Votre voix m'enlaçait comme une chair étreinte, et votre cœur brûlait si tranquillement beau qu'en ce moment, j'aurais pu voir s'ouvrir sans crainte les tortueux chemins qui vont vers le tombeau. Et puis, notre ami Jean-Pierre va nous faire son compliment. En ce joyeux temps de nouvelle année, l'usage prescrit de faire un cadeau. L'un donne une fleur bien vite fanée, l'autre un souvenir oublié bientôt. Moi, si de mon cœur suivait la prière, perles à vos pieds viendrais apporter, mais la bourse, hélas, c'est la conseillère qu'avant notre cœur il faut écouter. J'aperçois partout sur vos étagères heureux souvenirs, mignons et coquets, le troupeau fleuri des choses légères, les petits bijoux et les grands bouquets. Or, ma bourse est vide et mon cœur soupire. Si même un bouquet voulait vous donner, serait si chétif qu'il vous ferait rire et que vous ne pourriez me le pardonner. Ne puis vous offrir de ces fleurs qui brillent, jasmin, rose ou lys, belle dame, mais dans mon jardinet chante et scintille, floraison du cœur, quatrains et couplets. Ceci j'ai cueilli, c'est fort peu de choses. Cherchant plus avant, autre trouverait peut-être, mon Dieu, là mon cœur, je n'ose que bien volontiers je vous offrirai. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Attendez une minute. Vous soupçonnez qui ? Aucun d'entre eux. Tous. L'énigme restera entière. C'est monstrueux. Côté polar. Aujourd'hui, Eliane nous entraîne dans un petit village, Bourdelieu-les-Eaux. Alors, c'est où, ça? Je pense que c'est partout et nulle part. Enfin, moi, je le situerais bien à certains endroits, mais bon, ça peut être partout en France, je crois. Un petit village avec ses choses cachées, avec ses choses drôles. En tout cas, c'est le premier roman de Jean-Pierre Chabin qui se lit avec plaisir. L'intrigue policière est pleine de rebondissements. Les personnages sont pittoresques. Il y en a certains qui sont attachants et d'autres tellement abjects, il faut bien le dire, qu'on a vraiment qu'il leur arrive des bricoles. L'écriture est souvent pleine d'ironie. Écoutez plutôt le début. Quand Arthur mit le point final à sa copie d'examen, il n'imaginait pas être engagé dans une aventure qui marquerait tout son avenir. Le fait de relire 10 fois ses commentaires sur la pensée d'un autre bien plus célèbre que lui, d'avoir chassé de sa réponse de 8 feuillets la moindre faute, le plus petit accent incertain, ne lui parut pas un acte aussi déterminant pour son propre devenir. Sans le savoir encore et sans qu'aucun des correcteurs qui œuvreraient pour la noble institution n'en ait encore la moindre idée, il venait de réussir à se placer parmi les 7 élus des 143 postulants. Il venait de réussir, lui, Arthur Rimbaud, à se faire ouvrir la porte, certes la petite, de la Direction nationale des affaires sociales et sanitaires des professions à caractère artisanal et culturel, autrement dit la ANACSPAC, enfin bon, organisme de protection sociale des professions en voie de disparition, entre parenthèses, ou déjà complètement fossilisé, régime subventionné par l'État comme tant d'autres. Donc, notre Arthur Rimbaud va donc rentrer dans cette maison. Il franchit pour la première fois de sa vie la porte principale de son nouvel employeur un vendredi 1er avril. Rien ne semblait commencer sérieusement. La date d'abord, puis le fait de débuter en fin de semaine. Il fut reçu par le chef du personnel. Celui-ci lui tint à peu près ce langage. Après avoir pris soin de finir de tailler son crayon de papier, de ranger le taille-crayon en métal argenté dans le tiroir de droite et de fermer un dossier dans lequel figurait une seule feuille blanche. « Monsieur Rimbaud, l'institution vous fait l'honneur de vous admettre dans ses rangs. Soyez-en digne. Ne déméritez jamais. Soyez patient et notre grande maison saura ne pas se montrer ingrate. J'ouvre ce jour un dossier à votre nom. » Il sera là pour témoigner de vos efforts et de vos fautes. Et il faut qu'il aille voir la chef de FE de bureau, qui s'appelle Simone. Plutôt belle pour son âge. Simone, la chef de bureau, observa une dernière fois le vernis de ses ongles pour regretter d'une expression furieuse une écaille survenue sur l'index droit. Elle redressa enfin la tête pour fixer son subordonné. Vous vous appelez comment ? Rimbaud. Rimbaud comme l'écrivain ? Non, Rimbaud comme mon père, madame. Ah, et votre petit nom, c'est comment ? Arthur, madame. Arthur, allez vous asseoir près de monsieur Albert. Annette va vous donner des bordereaux à classer. Ne faites pas d'erreur, s'il vous plaît, et ne perdez pas de temps. À peine Arthur est-il assis devant sa table vide qu'Albert se tourna vers lui, oubliant pour un instant de tirer sur son mégot. Ah, elle se déchaîne, la garce. Elle a un petit jeune à se mettre sous la dent, alors elle ne se sent plus. Elle ne va pas te lâcher pendant une semaine, c'est un rite. Tes seuls moments de répit, c'est quand elle se pétera un ongle. Rassure-toi, ça arrive de temps en temps. Voilà, ça commence bien. Et Arthur, il va commencer à la trouver pas mal. Et puis, quand même, il a décidé d'aller voir à quoi ressemblait le directeur, qui s'appelle Monsieur de Guignevieille, Honoré de son prénom. Honoré de, avec un de. Alors, une moustache blanc cassé, pas poivre et sel comme le veut la formule distinguée, non, mais d'un blanc naturel et cru, contribue à lui donner un air débonnaire. Elle était fournie, mais ne tombait pas de façon prolétaire, non. Une moustache directoriale des beaux quartiers. Arthur vit ensuite le costume, la veste au-dessus du bureau, d'un gris anthracite dont la fantaisie s'exprimait en quelques lignes pour plus clair fondu dans le tissu. La cravate était rouge bordeaux, plutôt grand cru que premier prix de confection. Une pochette assortie, pliée en pointe, complétée avec raffinement la tenue. Sous le bureau, les jambes étaient courtes, croisées sous le fauteuil. Entre les chaussures de cuir noir, brillantes comme des miroirs, et le bas du pantalon, la couleur des chaussettes rappelait celle de la cravate et de la pochette. Arthur resta immobile, impressionné par l'homme qui présidait au décidé de la NASPAC. Il en oublia de repousser la porte. Donc, il va faire connaissance avec son directeur, qui est aussi le maire de Bourdelieu-les-Eaux, n'est-ce pas? Et puis, il va... Parce qu'il va l'interroger, le maire, il va lui demander ce qu'il aime. Il lui dit, est-ce que vous aimez quelque chose de la vie? Oui. Vous faites du vélo, de la lecture comme tout le monde? Est-ce que vous collectionnez? Oui, monsieur le directeur, les timbres. Alors là, le visage de monsieur de Guignevieille s'éclaira. Directeur d'un organisme social moribond, politicien d'un groupe au passé plus grand que son avenir, il était également philatéliste, à la tête d'une collection familiale commencée par son grand-père, Auguste de Guignevieille. En 1848, dès la sortie des premiers Cérès, monsieur de Guignevieille possédait, du moins cela se disait dans les milieux spécialisés, la fameuse vignette sans dents à la valeur faciale d'un franc et de couleur vermillon. Eh oui. Et alors là, bien sûr, il va tomber donc amoureux d'Annette, qui travaille avec lui. Et il apprend que Simone, c'est aussi la maîtresse du patron. Et un soir, Arthur est invité chez le patron, Honoré de Guignevieille. Entre-temps, on a fait la connaissance à la mairie des gens qui travaillent à la mairie. C'est pas piqué des verres non plus. Alors, c'est aussi le président de la société philatélique de la ville. Hein, il est marié à Marie-Juliette de Bouchambois. Et chez eux, il y a aussi Germaine, qui est la femme de chambre, la gouvernante, la cuisinière, et peut-être encore bien d'autres choses. Mais alors, le samedi 15 avril 1972, c'est là que le drame va arriver. Là, je vous lis ce qui arrive ce jour-là. Ce samedi 15 avril, Arthur prit sa deux chevaux pour se rendre rue du docteur Laquille, chez Honoré de Guignevieille. Il venait de faire l'amour avec Annette. Leur jeune passion les avait rendus impatients la journée durant. Sous les sévères de Simone, ils n'avaient jamais pu se rapprocher l'un de l'autre. Il avait une heure de retard et Honoré serait mécontent, lui qui était réglé comme du papier à musique. Alors, depuis qu'il rendait visite à monsieur de Guignevieille, tous les jeudis, leur rendez-vous était immanquablement fixé à 19h. Il présenterait ses excuses. Bon, déjà... il n'y avait pas de lumière dans la rue. Enfin bon, il appuie sur la sonnette, il s'engage dans l'allée, rien. Il grimpe les quelques marches lestement et fut surpris que la porte ne s'ouvrit pas. C'était l'habitude que monsieur de Guignevieille lui dise discrètement d'entrer. La porte fut tirée, il ne vit pas son hôte habituel. Oh, celui-ci devait l'attendre derrière le bâton. Il fut étonné de ne pas entendre le traditionnel « Entrez, Arthur !» Il pénétra dans le salon. Vit les deux corps d'Honoré et de Marie-Juliette gisant dans leur sang. Il poussa un cri. Une douleur violente à la tête lui fit perdre la vision. Il venait de sombrer dans l'inconscience. Et alors, Annette, elle dit, comment ça se fait qu'il n'arrive pas? Alors, elle est inquiète quand même. Elle a même téléphoné à la gendarmerie pour voir s'il n'y avait pas eu un accident et tout ça. Donc, elle n'en peut plus. Elle prend son vélo. Elle arrive là-bas. Elle pousse son vélo. Elle rentre. Elle s'occupe d'abord de... Elle touche le poignet d'Arthur, il est toujours vivant. Donc elle réappelle la police qui arrive, parce que ce n'est pas deux corps qu'ils vont trouver, mais trois. Parce que Germaine aussi, elle a été tuée. Possédée. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les policiers, le médecin légiste, il leur dit que les trois victimes ont été abattues dans le même créneau horaire. Entre 18h et 20h. Deux balles pour monsieur de Guignevieille, deux aussi pour Germaine, mais une seule pour Marie-Juliette. Selon la formule consacrée, Arthur avait été frappé par un objet contondant. On avait retrouvé vraiment l'objet, c'était la lampe de l'entrée. Et voilà. Alors, là, l'enquête va commencer. Et l'enquête, c'est l'inspecteur Bouquin qui va la mener. Et il veut dire que l'inspecteur Bouquin, il va en profiter aussi pour tomber amoureux de la juge d'instruction, la belle Emmanuelle. Et les suspects vont faire de drôles de révélations petit à petit. Les gens sont, soi-disant importants, mais ils cachent bien souvent des choses étranges sur leur vie. Pour les comprendre, il faudra lire le livre de ce nouvel auteur. Qui est, chers auditeurs, quelqu'un que vous connaissez bien? Ben oui! Enfin, surtout sa voix et son style ironique. Oui, oui, je vous le donne en mille, c'est notre Jean-Pierre. Pas celui qui est derrière les manettes, non. Celui qui vous parle des livres. Celui qui vous a parlé tout à l'heure d'un livre. C'est son premier livre. Eh bien, Jean-Pierre, bravo. Bravo. Tu veux pas me dire où se situe Bourg-de-Lieu-les-Eaux, s'il te plaît? En France. Oui, ben d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, si vraiment, si j'ai donné envie aux gens de lire ce livre, comment peuvent-ils l'acheter? Alors, déjà, s'ils ne veulent pas l'acheter, il y a la bibliothèque. Ah, déjà, c'est l'excellente formidable. L'excellente bibliothèque oui. de Fleury. Et s'ils veulent l'acheter, ils sont obligés de s'adresser à moi. Ah là là. Donc, ils peuvent m'écrire. D'accord. Ils peuvent m'envoyer un mail. D'accord. Je peux donner mon mail. Oui, s'il te plaît. jpchabin@orange.fr. C'est vous avez vu, jpchabin, tout accroché en minuscule. Parce que franchement... @orange.fr. Il y a des trucs sur la politique, c'est vraiment drôle. Et puis c'est vraiment le... Au début, j'avais trouvé que c'était un peu... Comment dire? Il y avait beaucoup trop de choses. Puis après, on s'y fait, et puis on rigole bien. Et puis en plus, quand on voit vraiment qui a fait le coup, c'est bien, vraiment bien. Bravo Jean-Pierre. En tout cas, vous avez vu, parmi à Radio Arc-en-Ciel, nous avons un romancier célèbre peut-être un jour. Bien sûr. Bravo Jean-Pierre, en tout cas. Alors, fin de règne à Bourg-de-Lieu-les-Eaux, commis par Jean-Pierre Chabin et recommandé par Eliane. Maintenant, faut être sage, écoutez ce message. Je le tiens du ciel, il vient du Père Noël. Il est à bout, son métier le rend fou. Il est fatigué, il ne veut plus continuer. Ça fait des années qu'il est overbooké, juste un mois dans l'année. Et le reste du temps, il est là errant sur son nuage volant, ignoré des gens. Alors il faut y penser, ne pas être intéressé. Y penser toujours sera Noël tous les jours. Petit Papa Noël, isolé dans ton ciel, ils sont vraiment ingrats. Les gens d'en bas, mais maintenant tu le sais, ça ne s'améliore pas. Car les gens sont comme ça. Comme ça. Il est éreinté de demander tout le temps aux petits enfants s'ils ont été méchants ou plutôt sages, sages comme une image, pour qu'ils puissent envoyer ses jouets par milliers. À cette hypocrisie, tout le monde lui répond oui, même tous les petits tyrans de plus en plus exigeants. En plus, il les aura, ses tortues ninja, sa PlayStation 3, mais il ne les mérite pas. Alors il faut y penser, ne pas être intéressé. Y penser toujours sera Noël tous les jours. Pauvre petit Papa Noël, isolé dans ton ciel, ils sont vraiment ingrats. Les gens d'en bas, mais maintenant tu le sais, ça ne s'améliore pas. Car les gens sont comme ça. Comme ça. Comme le dit la chanson, il ne peut pas l'oublier. Ton petit soulier, tu l'as assez répété. Tu ne rêves que de ça depuis des mois. Alors que pendant ce temps-là, le Père Noël se coupe en trois. Fini les jeux en bois, nostalgique de ce temps-là. Car maintenant, chaque année, il faut innover. Fini le petit cadeau au pied du sapin. Maintenant, c'est le sapin au pied des cadeaux. Alors, il faut y penser, ne pas être intéressé. Y penser toujours sera Noël tous les jours. Pour petit Papa Noël, isolé dans ton ciel, ils sont vraiment ingrats. Les gens d'en bas, mais maintenant tu le sais, ça ne s'améliore pas. Car les gens sont comme ça. Comme ça. Bien sûr que c'est de ta faute à toi. Bah tu croyais quoi? Qu'il tiendrait comme ça. Il en a assez, il veut tout arrêter. C'est très dur pour lui, Mère Noël est partie. Il ne veut pas se couvrir, il veut attraper froid. Finir et ne plus revenir, qui pour lui succéder, c'est pas compliqué, car pour consommer, il reste la société. Eh Eh bien, c'est la triste histoire du Père Noël. J'aime beaucoup le sapin qui est au pied des cadeaux. C'est sûr. Bien, alors, c'est pas le tout de lire, il faut aussi sortir, s'aérer un peu. Et donc, en cette fin d'année et au début de l'année prochaine, vous avez déjà certains spectacles programmés. Vendredi 20 décembre à 20h30 à la Passerelle, Fli, c'est un spectacle de danse et de cirque. Alors, une performance physique époustouflante, nous garantit-on, à la fois drôle et poétique. Le lendemain, alors là, c'est Jean-Pierre ou Eliane qui peut en parler, le concert de l'harmonie intercommunale Fleury-Saran, qui aura lieu donc le samedi 21 à 16h à la Passerelle. À Boris Vian. Enfin, à la Passerelle, mais à l'auditorium. Oui. Voilà. Ou bien, pour ceux qui ne peuvent pas, à 16h, à 11h, au théâtre municipal de Saran, plus connu sous le titre de Tête Noire. Donc, le dimanche. Le dimanche. Et donc, de quoi s'agit-il ? Eh bien, du concert de l'harmonie sur Noël, comme tous les ans. Oui. Le titre, il y a toujours des titres qui me plaisent. Oui, le titre, c'est « Te souviens-tu, Père Noël ?» parce que ce genre de concert de Noël a 10 ans. Et le Père Noël, cette année, se rappelle de ses 10 années passées. Il va feuilleter, il va trouver toutes les affiches et va se souvenir. Voilà. Ensuite, alors on va faire un grand saut parce que nous aurons passé deux réveillons. Et donc, le mardi 7 janvier à 19h et 21h, toujours à la Passerelle, Sapiens Révolution par Jocelyn Dailly. Alors, Jocelyn Dailly, c'est le lauréat de Rire au Centre 2019. Mm-hmm. Et donc, son spectacle a été tellement plébiscité par le public qu'il y aura deux séances, une à 19h et une autre à 21h. Et là, le rire est garanti. Le vendredi 10 janvier, toujours à la Passerelle à 20h30, il y aura un spectacle inclassable, chorale publique. Et c'est Babette Joinet qui va faire chanter cette chorale. Et puis, pour rappel, jusqu'au 24 décembre, à la bibliothèque Les Jacobins, l'exposition « Mon beau sapin ». Et j'ai vu aussi qu'au Carme, on avait cette semaine un film intitulé « La vie invisible d'Eurydice Gusmao ». Et c'était un livre absolument extraordinaire. Alors, si le film est à la hauteur du livre, que j'avais présenté d'ailleurs en son temps, vous pouvez vous y précipiter. Voilà, Jean-Pierre, donne-nous les musiques. Eh bien, écoute, nous avons eu deux duos, Didier Sustrac et Chico Buarque dans un premier temps, et puis Serge Lama et Francis Cabrel, bien sûr, pour L'Arbre de Noël. Et puis, on a eu Le Pauvre Petit Papa Noël de Pierre-Alexandre. C'est vrai, c'est triste. Oui, c'est triste. Alors, on va vous souhaiter à tous, toutes, un joyeux Noël, une bonne année. Voilà. Vraiment que vous puissiez vous réjouir avec votre famille, vos proches, vos amis, vos voisins, vos ennemis, tout le monde. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Le 8 janvier. Le 8 janvier. Bye bye. Au revoir. Bonne année. Au revoir. Et il est plus que temps de passer le relais à Violette pour traditionnel. Bonne année, Violette. Oui, bonne année, Violette.